Esdras chapitre 5. Alors Agé le prophète, et Zacharie, fils d'Ido le prophète, prophétisa aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël, qui les avait envoyés vers eux. Et Zorobabel, fils de Salatiel, et Jésus fils de Jotsada, se levèrent, et commencèrent à rebâtir la maison de Dieu, qui habite à Jérusalem, et ils avaient avec eux les prophètes de Dieu, qui les aidaient. En ce temps-là, Tatenaï, gouverneur de Dessa le fleuve, et Sétarboznaï, et leurs compagnons, vinrent à eux, et leur parlèrent ainsi, « Qui vous a donné ordre de rebâtir cette maison, et de fonder ses murailles ?» Et ils leur parlèrent aussi en cette manière, « Quels sont les noms des hommes qui bâtissent cet édifice ?» Mais, parce que sur les anciens des Juifs était l'œil de leur Dieu, on ne les fit point cesser, jusqu'à ce que l'affaire parvint à Darius, et qu'alors ils rapportassent des lettres sur cela. La teneur des lettres que Tatenaï, gouverneur de Dessa le fleuve, et Sétarboznaï, et ses compagnons Apharséquiens, qui étaient de Dessa le fleuve, envoyèrent au roi Darius. Ils lui envoyèrent une relation du fait, et il y avait ainsi écrit, « Toute paix soit au roi Darius. Que le roi soit averti que nous sommes allés en la province de Judée, vers la maison du grand Dieu, laquelle on bâtit de grosses pierres, et même la charpenterie est posée aux parois, et cet édifice se bâtit en diligence, et s'avance entre leurs mains. Et nous avons interrogé les anciens qui étaient là, et nous leur avons parlé ainsi, qui vous a donné ordre de rebâtir cette maison, et de fonder ses murailles, et nous leur avons aussi demandé leur nom, pour les faire savoir au roi, afin que nous écrivissions les noms des principaux d'entre eux. Et ils nous ont répondu de cette manière, disant, nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre, et nous rebâtissons la maison qui avait été bâtie ci-devant il y a longtemps, laquelle un grand roi d'Israël avait bâti et fondé. Mais, après que nos pères eurent provoqué à la colère le Dieu des cieux, il les livra entre les mains de Nebuchadnetsar, roi de Babylone, chaldéen, qui détruisit cette maison, et qui transporta le peuple à Babylone. Mais, en la première année de Cyrus, roi de Babylone, le roi Cyrus commanda qu'on rebâtisse cette maison de Dieu. Et même le roi Cyrus tira hors du temple de Babylone, les vaisseaux dorés et d'argent de la maison de Dieu, que Nebuchadnetsar avait emporté du temple qui était à Jérusalem, et qu'il avait apporté au temple de Babylone, et ils furent délivrés à un nommé Sesbatsar, lequel il avait établi gouverneur. Et il lui dit, « Prends ces ustensiles, et t'en va, et fais-les porter au temple qui était à Jérusalem, et que la maison de Dieu soit rebâtie en sa place. » Alors ce Sesbatsar vint, et posa les fondements de la maison de Dieu, qui habite à Jérusalem, et depuis ce temps-là jusqu'à présent on l'a bâtie, et elle n'est point encore achevée. Maintenant donc, s'il semble bon au roi, qu'on cherche dans la maison des trésors du roi, laquelle est à Babylone, s'il est vrai qu'il y ait eu un ordre donné par Cyrus, de rebâtir cette maison de Dieu à Jérusalem, et que le roi nous fasse savoir sa volonté sur cela.